Lewit Mulawi mwingine qui descendait par le même chemin. Naanza kupita kwa mule njia moyo. Leya vi. Kisha kumuona. Passa outre. Akapita pembeni. Mais un Samaritain qui voyageait. Lakini msamaria mmoja anaanza kusafiri. Et arrivé là. Kisha kufika pale. Il fit émis de compassion lorsqu'il le vit. Akaguswa na huruma sana wakati alimuona. Il banda ses plaies. Akafunga bilonda byake. Il versa de l'huile et du vin. Mwangia hapo mafuta na mvinyo. Il est mis sur sa propre meute. Elle le conduisit dans une hôtellerie. Et prit soin de lui. Na le lendemain, yake, il tira deux deniers. Les donna à l'autre. Ula et lui dit, et soin de lui. Upate et tout ce que tu dépenseras de plus, na yoto tatosha ya yulu je te le rendrai à retour. Lequel de ces trois te semble être le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Nani kati ya watatu anaonekana kuwa kwa kwamba jirani ya ule alamka mikono ya jambazi? Le docteur de loi a répondu, mwalimu wa sheria akajibu, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Ni ule alimutendea rehema. Jésus dit, Yesu akasema, bien parlé. Unajibu mzuri. Va. Wende. Et toi fais de même. Na wewe ufanye paka hivi. Amen. Amen. C'est une parabole. Ni mfumbo. Qu'on lisait tout le temps quand on était dans les dénominations. Et qu'il continuait à lire là dans les dénominations. Mais nous aujourd'hui, lakini shie leo, Dieu nous a fait grâce. Mungu akatufanyia neema. Il nous a envoyé un prophète. Alitumia nabi. Jésus parlait toujours en parabole. Oui, alianza kusema paka mfumbo. Il prêchait, il parlait en parabole. Alianza kuhubiri na kusema mfumbo. C'est pourquoi un jour, njoo kama na siku moja, les disciples lui ont dit, wanafunzi bakamonesha, maître, bwana, toutefois quand tu parles, wakati wote ukisema, après la prédication, kisha mahubiri, tu nous prends, uko na tubeba, tu nous amènes à l'écart, tu commences à nous expliquer, unaanza kutufasilia, mais tu ne le fais pas pour les restes. Lakini ufasilake, comment ils doivent comprendre? Sasa bo watelewa je. Jésus avait dit, Yesu akasema, il vous a été donné, vous, ili mipewa mweye, de connaître le mystère du siri ya ufalme. Mais pour eux, lakini kwa bobo, je dois parler en parabole. Mina pacha kusema na abo mfumbo. Afin kana, kana ekuta, ili mkusikia, mais qui ne comprenne pas. Bashelewa pana. Et que je ne les sauve. Na nisibaokoe. Donc, mon frère, ma soeur, yangu, Dieu nous a fait grâce. Mungu, alors, par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, nous allons parler de ces paraboles. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem était construit au-dessus des montagnes. C'était le mont Morija. Ilikuwa ni mlima Morija. Et tout ce qui allait adorer, na wale watu walianza kwenda kuabudu, il montait, walikuwa ni mkupanda, pour aller, juu ya kwenda, adorer, kuabudu, aller rencontrer Dieu, kwenda kutanishana na Mungu. Alléluia. Amen. Ne soyez pas distrait. Musilingame. Jérusalem. Yerusalem. Au départ. Mwanju. Ça s'appelait Salem. Ilikuwa naitwa Salemu. C'est-à-dire la paix. Nikusema salama. Ville de paix. Muji ya salama. Jérusalem. Yerusalem. C'était la ville de paix. Ilikuwa ni muji ya salama. Jérusalem. Jérusalem. C'était le lieu saint. Ilikuwa ni mahali takatifu. Dans le monde entier. Ulimwengu mzima. Il n'y avait pas une ville sainte. Hakukuwa ke muji takatifu. Dans le monde entier. Ulimwengu mzima. C'était seulement Jérusalem qui était la ville sainte. Ilikuwa paka Yerusalem ndio ilikuwa muji takatifu. Pourquoi? Juu ya nini? C'est là où se trouvait le lieu saint. Ndio kule kulipatikana mahali takatifu. À Jérusalem, Yerusalem, c'est là où se trouvait l'arche de l'alliance. Amen. Amen. À Jérusalem, Yerusalem, c'est là où se trouvait la gloire de la Shekinah. À Jérusalem, Yerusalem, c'est là où la colonne de feu descendait. Maintenant, regardez un peu tous ces avantages. Le lieu saint. Mahali takatifu. La ville de paix. Muji ya salama. La gloire de la Shekinah. Utukufu ya Shekinah. Là, il y avait la colonne, descendait la colonne de feu. Les nguzo ya moto ilianza kushukaka. L'arche de l'alliance était là. Sanduku ya gano ilikuwa kule. Et l'arche de l'alliance typifie la parole. Na sanduku ya gano inaonekani inaonesha neno. Et cet homme était là. Na huyu mtu alikuwa pale. Avec toutes ses avantages. Na ile mafaida yote. Mais maintenant. Lakini sasa. Lui quitte Jérusalem. Ye anatoka ku Yerusalemu. Pour aller. Dieu a kwenda. À Jéricho. Ku Yeriko. Il était mal parti. Alitoka mbaya. Il était mal parti. Alitoka na kwenda kubaya. Il a abandonné le lieu saint. Aliacha mahali takatifu. Il a abandonné la gloire de la Shekina. Aliacha utukufu ya Shekina. Il a abandonné la paix. Aliacha salama. Il a abandonné la présence de Dieu. Aliacha wepu wa Mungu. Pour aller à Jéricho. Na kwenda ku Yeriko. Mais Jéricho c'est le péché. Yeriko si zambi. Jéricho c'est le monde. Yeriko ni ulimwengu ni dunia. Jéricho c'est la malédiction. Yeriko ni laana. Donc ça, c'est un chrétien qui est dans la présence de Dieu, un frère, Duku, une sœur, Dada, qui a reçu la parole, neno, qui a trouvé vraiment la vérité, ukweli, mais il abandonne la vérité ukweli, pour rentrer dans le monde. Alléluia. Amen. Il était mal parti. Yeye alifanya mubaya. Il lui manquait une chose. Kulimkosewa kitu moja. Il était à Jérusalem. Alikuwa mu Yerusalema. Dans la présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Et il était là en paix. Na alikuwa pale msalama. Vous voyez? Unaona? Mon frère. Yangu, ma sœur. Yangu, quand vous abandonnez Jésus. Wakati unamwacha Yesu. Quand vous abandonnez la parole. Wakati unaacha neno. Vous ne serez jamais en paix. Utakuwaga kama msalama. La paix est en Jésus-Christ. Salama iko ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est pourquoi mana, il était tombé au milieu des brigands. Il était mal parti. Alitoka na kwenda il a abandonné la parole. Aliacha neno. Lisons les prophètes. Tumsome kwanza nabii. La prédication. Pourquoi les gens sont si ballottés? Maubira kusema jua nini batu beko bakuteka tenka. Ou les voiles intérieures. Voilà, pazia ya ndani. C'est la même prédication. Ni maubiri moya moya. Paragraphe. Nukta. Quarante-huit. Pourquoi les gens sont aussi ballottés? Paragraphe 48. Je dis, la foi chrétienne est basée entièrement sur le repos. C'est juste. Un chrétien n'est pas balloté. Un chrétien ne court pas d'un lieu à un autre. Christ, kalake muntu akukimbia natoka huko naenda fazi nyingine. Un chrétien ne s'agite pas. Christ, kalake wakuangaika ngaika. Un chrétien ne s'emporte pas. Christ, kalake muntu akubebwa. Un chrétien ne s'inquiète pas. Christ, kalake muntu akuzunika. Un chrétien se repose. Christ, kalake muntu akupumzika. Tout est terminé pour lui. Yote bisha malizika kwake. Pour le croyant. Kwa mwaminifu. Tout s'est terminé. Oh. Calvaire. Alléluia. Amen. Un chrétien n'est pas balloté. Christ, non. Un chrétien Christ est au repos. Et la véritable foi chrétienne Christ, se base sur le retour, sur le repos. On ne doit pas être aujourd'hui ici et demain là-bas. Tantôt dans la sainte doctrine, tantôt dans la grâce infinie, tantôt arc-en-ciel et Dieu, tantôt Branham et Dieu. Non. Ça, c'est pas un chrétien. Comme j'avais dit la fois passée, Dieu n'a pas de demi-chrétiens. Dieu a des chrétiens. Amen. Amen. Amen. Amen. Un chrétien, c'est réponse. Christ, il ne peut pas être vacillé. Il doit être fondé sur le roc. Amen. Amen. Mon frère, yangu, cet homme était mal parti. Mtu, umbaya et comme conséquence, na sama umbaya, il était tombé aux mains des brigands. Kanguka, il était à Jérusalem. Alikuwa kama Yerusalema. Mais il pensait toujours à Jéricho. Ce qu'il n'avait pas compris. Voyons peut-être que dit la Bible concernant Jéricho. Nous prenons Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Josué sura 6. Nous sommes au verset 26. Ce fut alors que Josué gira. En disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier né. Et il imposera les portes au prix de son fils plus jeune. Nous connaissons cette histoire. La ville de Jéricho. Après que ça soit brûlé par Josué. Et Josué avait ziré. Maudit soit devant l'Éternel. C'est lui qui se lèvera pour venir rebâtir cette ville de Jéricho. Alléluia. Amen. Plus tard, beaucoup d'années se sont passées. Nous sommes maintenant au livre de un roi au chapitre 16. Beaucoup d'années se sont écoulées et se sont passées. 1 roi chapitre 16 verset 34. De son temps, Iel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier né. Et il imposa les portes au prix de Segou, son fils plus jeune. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, on ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Bien-aimé, quand on te présente la parole devant une situation et on te dit, frère, laissez ça, c'est contre la parole de Dieu. Ma sœur, abandonnez, c'est contre la parole de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Mon frère, obtempérez. Sinon, tu auras des conséquences. Alléluia. Amen. Cet homme ne savait pas que Dieu avait prononcé la malédiction pour cette fille. Alors, comme elle savait. Non, il fallait construire la ville de Jéricho. On n'a pas encore, on n'a pas jusque là un lieu pour faire les ambiances. Quand il a commencé à creuser la fondation, son fils est né cadavéré. Quand il a commencé à placer les portes, son deuxième fils est cadavéré. Pourquoi? C'était un lieu que Dieu avait maudit. Amen. Amen. Amen. Et au temps de Jésus, cette ville existait encore. Donc Jéricho, me dit, c'est le monde. Jéricho, c'est le péché. Maintenant, cet homme qui était à Jérusalem, il songeait toujours à Jérusalem. Je dois aller à Jéricho. Je dois aller à Jéricho. Ici, il n'y a pas moyen de mettre un peu de maquillage. Ici, il n'y a pas moyen de prendre un peu de vin, tout ça. Vignes, pombe. Ne courez pas les risques d'abandonner Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est ici. Amen. C'est ici où la parole est allait prêcher le message de l'heure selon que le prophète l'a prêché. C'est ici où on a des hommes de Dieu établis qui ont la crainte de Dieu. Restez ici. Ne courez pas les risques de quitter ce lieu, mes frères. Amen. Et Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem pour attendre la promesse du Père. Et nous, nous attendons la promesse de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Nous attendons l'enlèvement dans la parole. Amen. Amen. Amen. Amen. Ne courez pas le risque d'abandonner ce lieu. Vous voyez? Cet homme a fait, je ne sais pas s'il a fait combien d'années. C'est quelqu'un qui devait dire, c'est nous qui avons commencé. Ah, c'est nous les anciens ici. Alléluia. Amen. On ne refuse pas l'ancienneté. C'est bon. Mais lakini, l'ancienneté, zamani, c'est quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Wakati, na tu es né de nouveau. Mara ya pili, ah, pale, c'est ça. Jo, l'ancienneté, ce n'est pas le nombre d'années dans les messages. Non. Frère Madame dit, quelqu'un qui a fait 20 ans dans les messages n'est pas né de nouveau, ni baptisé du Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui a fait 10 ans, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, qui est l'ancien? C'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il a l'expérience de maîtriser la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors cet homme, il était mal parti. Maintenant, quand vous abandonnez la parole, frère, tu ne seras pas en paix. Musalama, si vous voyez une soeur, kama unaona dada, un frère duku, qui a abandonné ce message, ujumbe, et là à la cité, musite, il prospère. Tout est bon. Faites attention. Sopoke. Faites attention. Frère, Duku, Jésus a dit, Yesu, je n'ai perdu aucun. Si, kupotesha, ata moja. Si tu es un li, Dieu fera tout pour te ramener dans la foi. Mungu atafanya yote jua kurudisha muimani. Amen. Amen. Et cet homme était un li. Alikuwa kama mteule. Était un li de Dieu. Alikuwa mteule wa Mungu. Alors Dieu n'a pas voulu Aza Mungu qu'il puisse rentrer dans le monde. Qu'il puisse rentrer à Jéricho. C'est pourquoi il avait mis une barrière. Joko mana aliweka kizuizo. Amen. Amen. Il a mis une barrière. Akaweka kizuizo. Frère. Duku. Ne courez pas le risque d'abandonner ce message. Ya kuacha ujumbe. Mais il y a des gens, lakini kuku batu, il y a des frères et sœurs, il abandonne le message. Anacha ujumbe, mais lakini, il prospère là-bas. Mule anendelea, c'est vrai. Il y a une écriture kukwandiko, qui dit ile nasema, ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Balitoka balienda, jua bakwe betu. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est aussi une écriture. C'est comme j'avais dit hier. Un chrétien, c'est une portion d'écriture qui s'accomplit. Alléluia. Amen. Mais mon frère, ma soeur, ne cherchez pas que la parole de Dieu s'accomplisse au travers de votre vie d'une façon négative. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors mon frère, sasa ndugu yangu, il ne pouvait pas aller loin. Ye, akuwezi kwenda mbali. Dieu a mis une barrière. Mungu akaweka kizuizo mbele yake. Nous lisons le prophète. Tukunasoma nabii. Avant que nous puissions continuer. Bila si kuendelea. Nous prenons la prédication l'influence. Tukunabeba mahubiri uvuto. L'influence du 12 janvier 1963. Vuto ya le 12 janvier 1963. Paragraphe 15. Nukta kuminatano. Il dit ceci. Anasema hivi. Je connais une petite devise que j'ai accrochée chez moi il y a beaucoup d'années. Minajua musemo moya ya kuheshimia sana ile imesha kuweka mnyumba yangu kwa miaka mingi. Elle disait quelque chose comme ceci. N'allez en aucun endroit moja, où

voir des frères. Oh frère, nous, on ne peut pas aller au stade. Nous, on a écrit le message. Mais il a amené le stade dans sa maison. Alléluia. Amen. Il a amené le stade dans sa maison. Quand il y a une coupe du monde, c'est une coupe d'Afrique. Les gens du quartier viennent. Mais il y a un match aujourd'hui. On doit suivre le match. Bon, là, on n'a pas de courage comme toi, tu as le groupe. C'est ce qu'on disait souvent, qu'on dit souvent chez nous. Pasteur, en tout cas, là, il n'y a pas de courage. Excusez-nous, nous savons que vous n'aimez pas ça. C'est seulement sorti la télévision. Ciao! Frère! Vous allez voir. Des païens Bapagano, dans d'autres Afriques, les cigarettes. Ils viennent s'asseoir au divan. Ils sont là. Écoutez ce qui se passe. Quand on joue les matchs, les gens sont très prudents. Ils sont les mouvements. Aïe. C'est tous les quinois. Quand on marque le but, au stade à Lubumbashi, à Kinshasa, en Europe là-bas, dans ta maison. Pourquoi? C'est le même démon. Ni démon à moya. Il te manque une chose. Et quand la sœur va dire, ah chérie, pourquoi tout ça? Ah chérie, pourquoi ça? Ah, reste calme. Ils ne vont pas amener le fauteuil. C'est quelqu'un qui dit, non, tu ne vas pas partir. Il te manque une chose. Amen. Amen. Comme on avait dit hier, une femme enceinte ne mange pas de n'importe quoi. Mais comme toi, tu manges tout, il y a quelque chose qui ne va pas. Il te manque une chose. Alléluia. Amen. Ne courez pas le risque de quitter Jérusalem. Reste ici. Alléluia. Amen. Alors, ça. On l'avait dépouillé, chargé de coups. Et il s'en allait. Les laissant à demi-mort. Alors, un sacrificateur Kouani moja, qui descendait par le même chemin. Il arrive. Il était tombé aux mains des bandits. Il passa outre. Suivez très bien. Un sacrificateur. Kouani. Un lévite. Moulaoui. Il arrive là. Naya kapita, kasema, oh. Il ne voulait même pas regarder. Kwangalia. Il passa. Naya kapita. Pendant que wakati ile, le patient était à l'agonie. Il avait besoin d'assistance. Maintenant, ça, c'est quel serviteur de Dieu? Hein? Qui n'a pas souci de brebis malades. Ah, la Bible a raison. Biblia una sheria. Un sacrificateur qui par hasard. Ule kwani moya ule kwa kubahatisha. Quelqu'un qui n'a jamais été mandaté. Ule aya pataka mwito. Quelqu'un mutu qui n'a pas une commission. Ule apa kumpatia kazi kwa Mungu. Il n'a rien à donner au bébé malade. Ana na kitu ya kupatia seulement un hasard. Na pourquoi mon frère? Il y a des ministres d'hasard. Les prédicateurs d'hasard. C'est pourquoi frère Bana me dit. Les prédicateurs sont des embrouillés. Les ministres d'hasard. Ils n'ont rien comme remède à donner aux enfants de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Un ministre. Mutumishi. Et tous prédicateurs ne sont pas ministres. Na waubiri wote wana watumishi. Frère Bana me dit. Dupana manasema. Quelqu'un peut se tenir du haut de la chaire. Il porte un message. Anapeleta ujumbe. Il explique bien avec la connaissance. Anapasilia mzuri na ufahamu. Et les gens comprennent. Na bantu mais ça n'a pas de vie. Lakini abina na buzima. Amen. Amen. Ça n'a pas de vie. Aina na buzima. Ça ne peut pas féconder la semence de Dieu qui est là. Kuleta buzima kuile mbegu iko ndani. Amen. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit, personne n'a le droit de monter du haut de la chair. Prêcher la parole de Dieu, s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, mon frère, sasa, ndugu yangu, si Jésus venait, kama Yesu akikuja, il dira à ses sacrificateurs, na ule kuhani, à ses lévites, na ule mulawi, il vous manque une chose. Unakosewa kitu moja. Il vous manque une chose. Unakosewa kitu moja. Vous n'avez pas été mandaté. Amukupewa mwito. Amen. Amen. Frère Frank dit, ndugu Frank alasema, Jésus a dit, Yesu alisema, comme mon père m'a envoyé, Sabile, baba yangu, moi aussi je vous envoie. Bile bile na mituma. Et Jésus a dit, na Yesu alisema, je serai avec vous. C'est ça l'appel divin. Ya il faut que Dieu t'appelle na Mungu et il t'envoie. Na kutume. Et à ce moment-là, tu es porteur d'un remède. Uko mwenye kubeba dawa. Amen. Amen. Mais un Samaritain qui voyageait, la Samaria mo, il arrivera, kisha kufika pale, il fit aimer des compassions. Lorsqu'il le vit. Alléluia. Amen. Notre Dieu est plein de compassion. Il descendit et il commença à bander le plaid. Bander le plaid. Il versa de l'huile et du vin. Alléluia. Amen. Que signifie le vin dans la Bible? Vinyu, manake, nini, mu Biblia? Le vin typifie le Saint-Esprit. Vinyu, inonesha, Rom takatifu. Amen. Amen. Le, non, l'huile typifie le Saint-Esprit. Inonesha, Rom takatifu. L'huile dans la Bible. Mafuta, mu Biblia. Typifie le Saint-Esprit. Inonesha, Rom takatifu. Et le vin. Na vinyu, c'est la stimulation. Ni akuchamusha. Amen. Amen. Il commença à verser de l'huile et le vin. Akaanza kumwanga mafuta na vinyo. Il le prit. Akambeba. Et le mit dans sa motille. Akamweka mwile gari. Et le conduisit dans une hôtellerie. Na akampeleka fazi ya kupangia. Suivez très bien. Ufuate mzuri. Que signifie l'hôtellerie? Fazi ya kupangia ni maana yake nini? Nous lisons la le prophète. Tukunasoma nabi. La religion de Jézabel. Dini ya Jézabel, mahubiri. Paragraphe 18. Nukta 18. La religion de Jézabel. Dini ya Jézabel. Paragraphe 18. Nukta 18. Souvenez-vous du bon samaritain. Mkumbuke ule msamaria mwema. Qui avait trouvé un homme blessé. Ule alikutana mtu mwenye kuumizwa. Il l'a amené à une hôtellerie. Akampeleka fazi ya kupangia. Que signifie l'hôtellerie? Hôtellerie maana yake nini? L'hôtellerie signifie l'église. Maana yake kanisa fazi ya kupangia. Et a remis des deniers à l'homme qui était là. Na akapeleka pesa mbili kwa ule mtu alikuwa pale. Et il lui dit. Na akamwonesha ule mtu. Prends soin de lui. Umwangaikie. Tout ce que tu dépenseras de plus, yote lutatosha ya kupizidi. Je te le rendrai à mon retour. Nitakurudisha kayo, mkurudia kwangu. Ainsi, hivi, il a reçu deux deniers. Alipokea pesa mbili. Et il est capable de prendre soin de vous. Na eko na uwezo ya kukwangaikia. Suivez très bien. Ufuate mzuri mzuri. Il a reçu deux deniers. Alipokea pesa mbili. Il est capable de prendre soin de vous. Ye eko na uwezo ya kukwangaikia. Si c'est un homme de Dieu. Kama yeye ni mtu wa Mungu. Si c'est un homme de Dieu. Kama yeye ni mtu wa Mungu. Il a la capacité de prendre soin de vous. Eko na uwezo ya kukwangaikia. Parce que il a Eko, ce que Dieu lui a donné, le Mungu alimpatia, les deux deniers, ile pesa mbili, et les deux deniers, na ile pesa mbili, c'est l'esprit miroho, et la parole. Neno. Amen. Comme je dis, quand un ministre n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il ne peut pas monter à la chaîne prêcher la parole de Dieu. Quand vous n'avez pas ces deux deniers, l'esprit et la parole, vous ne donnerez jamais la vie. Ce sont des simples discours. Et c'est pourquoi on a eu le chaos dans ce message. Vous allez là-bas, grâce infinie. Vous allez là-bas, division. Vous allez là-bas, Branham et Dieu. Pourquoi? Des gens qui ne sont pas mandatés. Quand Dieu envoie un

Quand Dieu est descendu au jardin d'Éden, il a rencontré Alikuta. Adam était là assis. Adam alikuwa mwikwika la pale. Comme ça. Na mkono kulichafu. Dieu vient. Mungu akakuja. Il dit. Akasema. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Aina mzuri mwanaume apate kwa peke yake. Il lui faut une aide. Ina mupasha msaidizi mmoja. Il a appelé Adam. Adam kuja. Viens. Kuja. Je vois que tu n'es pas vraiment content. Tu n'es pas mfura. Vraiment à ta place, à aona ton point. Viens, viens, viens. Bon, il a donné l'anesthésie. Notre Dieu, c'est le premier chirurgien. Le premier docteur. Amen. Il a pris ses bistouri. Il a opéré. Il a soutiré côte. Il a fabriqué Ève. Après avoir. Il a fabriqué. Il dit, mets-toi debout. Marche un peu. Il va que non, viens, viens, viens. Il dresse encore là-bas. Il dresse encore. Va. Viens, viens, viens. Il prend. Il arrange ici. Il arrange. Et vous n'avez pas des oreilles pour. Alléluia. Amen. Il dit, marche un peu. Reviens. Bon, reste là. Quand Adam verra ça, il sera content. Il réveille Adam. Adam se réveille. Adam regardez là-bas. Quand il a regardé, voici cette fois-ci celle qui est chère de ma chair. Oh, c'est de mes os. On l'appellera femme. Alléluia. Amen. C'est Adam qui avait donné le nom directement. Adamu, il a pris Ève akambeba awa, et il a commencé à le faire voir. Akaanza kumonesha. Ça c'est le lion. Uyu ni simba. Ça c'est l'avocat. Ni avocat. Alléluia. Amen. Et maintenant, sasa, c'était le premier Adam. Il kanjo Adam et le Seigneur Jésus-Christ, na Christo, quand il verra l'épouse, bibi arusi, il dira la même chose. Kitu voici cette femme. Voici celle qui est parole de ma parole et esprit de moi, esprit. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ va nous prendre pour régner avec lui pendant 1000 ans pour nous faire voir tout ce qu'il est allé préparer. Bien-aimé, restez à Jérusalem. Ne courez pas les risques de quitter ce lieu. Si vous quittez ici, il te manque une chose. Il est temps que le Seigneur vous bénisse.